بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. On va commencer donc le cours numéro 5 aujourd'hui dans l'explication du livre تأملات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة du Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari حفظه الله تعالى. Et donc on commence donc tout de suite avec le point, donc on est dans le point numéro 2. Donc juste pour remise en contexte, on était en train d'expliquer et de mentionner donc le point numéro 3, oui c'est ça. Donc la troisième partie dans le livre où il explique les objectifs légaux pour l'application du Hajr. Et on est arrivé donc à expliquer, il y a deux objectifs principaux qui ont été mentionnés, même s'il peut y en avoir d'autres également, mais le Cheikh il a concentré ici l'explication sur deux points en particulier. Al-maqsad al-awwal wal-maqsad al-thani. Al-maqsad al-awwal, tahqiq al-ubudiyyah lillah. Wal-maqsad al-thani, tahqiq al-wala'i wal-bara'. Donc le premier objectif, c'est le fait de réaliser l'adoration d'Allah. Donc ça, c'est le premier objectif du Hajr. Et le deuxième, c'est yani, d'établir al-wala wal-bara. C'est-à-dire le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et le fait de s'allier pour Allah et de se désavouer. Hein, l'alliance et le désaveu pour Allah. Et il y a un troisième objectif aussi qui est mentionné. Al-maqsad al-thalith, yani iqamat al-wajib min al-amr bil-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar. Il y a un quatrième, en tout il y en a cinq. Al-maqsad al-rabi' an-nush li'ammat al-muslimin, donc de donner le bon conseil aux musulmans en général. Et le cinquième, المقصد الخامس رجوع المهجور عن خطئه. Le fait que la personne qui a été boycottée revienne de son erreur. Donc si on constate bien comme il faut dans les cinq objectifs que le cheikh a mentionné, celui que les gens mentionnent le plus souvent, c'est le cinquième. C'est-à-dire que un des buts du Hajr, c'est de faire en sorte que la personne boycottée revienne de son erreur. Et certains, ils ne mentionnent que cet objectif-là et ils ne mentionnent pas les autres. Alors que les autres sont parfois beaucoup plus importants. Et c'est pour ça que parfois il y a des confusions par rapport à ce sujet-là et il y a des malentendus à propos de ce sujet. Parce que les gens négligent certains des objectifs que la charia a établi par rapport au but de l'application de ce principe islamique du Hajr. Et ce qui fait que beaucoup de gens par la suite tombent dans des erreurs dans la compréhension de ce sujet-là et des erreurs dans l'application également. Et certains disent « ça sert à rien finalement de l'appliquer à notre époque parce que ça n'aura pas l'effet voulu et on ne va pas atteindre l'objectif voulu par la charia, c'est-à-dire de faire revenir la personne hein, de son erreur. » Or, ça, c'est juste un point. C'est juste un objectif parmi d'autres. Et donc, il ne faut pas restreindre les buts à celui-là seulement. Et donc, on va commencer donc l'explication de ces objectifs-là. On a lu l'explication de l'introduction au dernier cours. Donc là, on rentre dans le premier exemple que le cheikh il a mentionné. Al-maqsad al-awwal, tahqiq al-ubudiyyah lillah. ذلك أن الهجر لله وفي الله عبادة لله فالقيام به يجب أن يكون خالصا ووفق اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على المقصد؟ الأدلة في الباب كثيرة، يعني كثيرة منها ما سبق وهو قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ومنها قوله تعالى قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال العلامة القرطبي في الجامع إذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما بينا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. أقول قول الله جل وعلا فلا تقعدوا معهم، أليس هذا نهيا من الله؟ نعم. Donc le cheikh il explique ici que le hajr c'est pour Allah et ce qui est fait pour Allah, hein, le hajr c'est pour Allah qu'on le fait et on le fait yani, en tant qu'une adoration pour Allah. Donc quand on fait le hajr c'est pour adorer Allah et l'établissement et le fait de mettre en pratique ce principe, il faut qu'il soit fait avec sincérité, avec une intention pure, uniquement pour Allah, et il faut donc également qu'il soit fait selon hein, le suivi de la guidance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme toutes les autres adorations. C'est-à-dire que toute adoration doit remplir ces deux conditions d'être fait avec ikhlas et d'être fait en accord avec la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit quelle est donc la preuve de cet objectif là? Eh bien il dit le cheikh que les preuves à ce sujet là sont nombreuses, c'est-à-dire les preuves que c'est une adoration d'Allah. Les preuves sont nombreuses, on en a mentionné déjà dans le cours précédent. Et donc il cite comme exemple le verset 113 dans Sourate Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Et وَلَا تَرْكَنُوا yani, c'est-à-dire yani, ne cherchez pas yani, à aider ou à supporter les injustes, ne penchez pas vers les injustes sinon le feu vous atteindra. Donc on ne doit pas les prendre pour alliés ou se rejoindre à eux ou à se reposer sur eux ou ainsi de suite. Il y en a toutes ces significations-là. Et le verset 140 dans Surat An-Nisa, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala justement, hein, il mentionne, et ce verset-là, on l'avait mentionné également au dernier cours, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie dans le livre d'Allah, hein, dans le livre il vous a été révélé ceci: lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah, c'est-à-dire le Coran, ou qu'on s'en raille, hein, on s'en moque, alors ne vous assoyez pas avec ceux qui font ça jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation, sinon et vous serez comme eux. Et Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Et donc ça, le cheikh, il l'a mentionné comme exemple, comme preuve. Et il cite l'imam al-Qurtubi dans son charh, dans son tafsir, pardon, du Coran. Et dans son tafsir, il dit par rapport à ce verset-là justement, si cela est établi, hein, est établi que on doit s'écarter des gens qui commettent des péchés, comme nous l'avons expliqué, alors dans ce cas, le fait de se détourner et de s'éloigner, de s'écarter et de s'éloigner des gens de bid'a est encore plus important. De s'éloigner des gens de bid'a et des gens de la passion, c'est encore plus important. Et le cheikh Abdullah al-Bukhari, il dit ici, donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « Fala taq'udu ma'ahum » Eh bien, ça c'est une interdiction, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas que cela est une interdiction de la part d'Allah? Hein? Lorsqu'il dit ne vous asseyez pas avec eux, ça c'est une interdiction. Donc c'est clair que c'est hein, interdit de s'asseoir avec eux. Et dans le verset, il dit wa qawluhu wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Alaysa nahyan? Donc quand Allah dit ne vous hein, ne prenez pas les injustes comme alliés, ne penchez pas vers eux, sinon vous serez touchés par le feu. N'est-ce pas là une interdiction également? Et le cheikh il dit Wallahu azza wa jal idha naha an amrin fa huwa ya'muru bi diddihi wa diddu al-julusi ilayhim al-mufaraqatu wal-qiyamu fala taq'udu ma'ahum idhan al-ma'muru adam al-qu'ud lamma naha Allah azza wa jal an hadha tadammana al-amru bi didd لأن النهي عن الشيء أمر بضده وكونه جل وعز يأمر أو ينهى إذن يحب جل وعلا هذا العمل وكونه يحبه إذن هي طاعة وطاعته عبادة. Donc ici le cheikh il explique que lorsque Allah Azzawajal ordonne quelque chose, ça implique qu'il ordonne, hein, c'est-à-dire si Allah interdit quelque chose, ça implique l'ordre de son contraire. Hein, souvent les ulama ils mentionnent ça. Hein, si Allah ordonne quelque chose, ça implique l'interdiction de son contraire. S'il ordonne quelque chose, ça implique l'interdiction de son contraire. Ici, il interdit quelque chose, donc ça implique l'ordre de son contraire. Donc, lorsqu'il dit, par exemple, le contraire, dans ce cas-là, le contraire de s'asseoir avec eux, c'est quoi? C'est de se séparer d'eux, ou de se lever, c'est-à-dire de ne pas rester assis avec eux. Donc, ce qui est ordonné, c'est de ne pas s'asseoir hein, en présence de ce qui est interdit par Allah. Azza wa Jal. Et donc, c'est ce qui est impliqué par l'ordre, yani ici, et son contraire. Il dit parce que l'interdiction d'une chose, c'est un ordre, l'ordre de son contraire. Et donc ici, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne ou interdise quelque chose, eh bien, ça implique que, c'est-à-dire s'il nous ordonne de faire quelque chose, ça veut dire qu'il aime qu'on fasse cette action-là. Hein? Et s'il nous interdit quelque chose, ça veut dire qu'il aime qu'on ne le fasse pas. Et donc, si on dit que Allah aime qu'on fasse quelque chose, alors ça veut dire que dans ce cas-là, c'est un acte d'obéissance. Et l'acte d'obéissance en lui-même, c'est une adoration. Parce que d'obéir à Allah, c'est une adoration. Et le cheikh, il donne ici comme référence l'explication du cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh dans son charh de Kitab al-Tawhid qui s'intitule Fath al-Majid, les Sharh et Kitab al-Tawhid. Le Cheikh il dit ensuite: Wal-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wa al-af'ali al-zahirati wa al-batina, kama qalahu al-imam ibn Taymiyyah wa ghayruh. Wa hadha al-qawl yuqalu fi kulli al-ayat fi hadha al-maqam. Donc il dit le Cheikh que l'adoration, comme Ibn Taymiyyah l'a mentionné comme dans sa définition, de même que d'autres également, parmi les ulama, ils ont dit que c'est un nom général, hein, l'adoration c'est un nom général, al-ibada, c'est un nom général qui comprend tout ce que Allah aime et tout ce qu'il agrée, des paroles et des actions qu'on fait, qu'elles soient apparentes ou qu'elles soient intérieures ou cachées. Des actions et des paroles intérieures ou apparentes. Et cette parole, donc, ça le cheikh il dit, on peut le dire à propos donc de tous les versets qui ont été mentionnés à ce sujet-là. Il dit: ومن الآيات أيضا قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Hein? Donc il dit, on peut également mentionner parmi les preuves le verset 28 dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant vis-à-vis de notre rappel et qui a suivi sa passion, hein, et dont les affaires sont وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطَ c'est-à-dire dont le comportement est outrancier, hein, transgresseur, outrancier. Et le cheikh il dit ensuite وَقَالَ شَيْخُ شُيُوخِنَا الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدْ ابن محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة عن طاعة من أغفر الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا وقد كرر في القرآن نهي نبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع هذا الغافل عن ذكر الله المتبع لهواه ومعنى اتباعه لهواه أنه يتبع ما تميل إليه نفسه الأمارة بالسوء وتهواه من الشر كالكفر والمعاصي. Donc il dit par rapport au verset 28 dans Surat Al-Kahf, le cheikh de nos shuyukh, le cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti, rahimahullah, il dit dans son tafsir Adwa al-Bayan que Allah Azza wa Jal a interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce noble verset d'obéir celui dont Allah a rendu le cœur insouciant vis-à-vis de son rappel et qui a suivi sa passion et dont les affaires sont il y en a qui est outrancier dans ses affaires. Et il a répété cette interdiction dans le Coran, l'interdiction de suivre. Yani, l'interdiction de suivre celui qui est insouciant, indifférent vis-à-vis du rappel d'Allah et qui suit sa passion. Et la signification ici, lorsqu'il dit que de pas obéir à celui qui suit sa passion, c'est-à-dire, il suit ce vers quoi penche son âme qui l'incite et qui lui ordonne le mal et ce que son âme désire, des choses qui font partie des choses du mal, comme la mécréance, comme le péché. Le cheikh dit « Wa mina sunnati ma jaa fi s-sahihayni min hadithi Aisha radiyallahu anha anna Rasulallah » صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا هذه الآيات فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ووجه الاستدلال ما قاله الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم قال في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة قلت القول في النهي فاحذروهم القول في النهي فاحذروهم كالقول في الآية السابقة فلا تقعدوا ولا تركنوا إلى غير ذلك دل على أن الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحذر من هؤلاء وعدم الجلوس وكونه يحبه إذن هو عبادة لله جل وعلا. Donc le cheikh il explique que parmi les preuves de la sunna au sujet de cette adoration du Hajr, il y a qu'est-ce qui est rapporté comme hadith authentique par Al-Bukhari et Muslim. Le hadith rapporté selon Aïcha radiallahu anha, qui mentionne que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset d'Allah dans Surat Al-Imran, qui signifie « C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre », parmi ces versets, il y en a qui sont « muhkamat », c'est-à-dire qui sont sans équivoque, hein, qui sont clair et qu'on peut comprendre par eux-mêmes. Ce sont les versets qui sont à la base du livre. Tandis qu'il y a d'autres versets, parmi ces versets, qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui sont équivoques et qui peuvent être interprétés de diverses manières. Et donc, on a besoin pour les comprendre d'autres versets pour les clarifier, ou bien des hadiths. Pour les expliquer comme les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquent le Coran. Donc, le verset continue en disant donc, que ceux dont le cœur est rempli d'une déviation, ceux dans les cœurs desquels il y a une déviation, cherchent à suivre hein, ce qu'il y a hein, comme sens équivoque dans ces versets qui sont les mutashabihat. Hein, justement pour chercher la fitna et chercher yani, à les déformer ou à les interpréter. Et nul ne connaît leur sens réel hein, ou leur interprétation excepté Allah. Et ceux qui sont enracinés pleinement dans la science disent « Nous croyons en ces versets, tout cela vient d'Allah ». Et nul ne se rappelle, excepté ceux qui détiennent la raison. Et ce verset, c'est le verset 7 dans Surat Al-Imran. Et Aïcha radiallahu anha, elle dit par rapport donc à ce hadith-là, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset, elle dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, après avoir récité ces versets, « Si vous voyez ceux qui suivent ce qui est équivoque dans le livre, alors ceux-là sont ceux que Allah a mentionnés. Ceux-là sont ceux que Allah a nommés. Alors prenez garde hein, vis-à-vis d'eux. Prenez garde vis-à-vis d'eux. » Et l'argument qui est tiré de ce hadith-là, c'est celui dont yani, l'imam al-Nawawi a parlé dans son charh de Sahih Muslim. Il a dit que ce hadith est un avertissement du fait de ne pas se mélanger avec les gens de la déviation et les gens de la bid'a ou de ceux qui suivent les problèmes, hein, qui suivent les questions compliqué ou difficile pour faire de la fitna. Et le cheikh Abdullah al-Bukhari, il dit ici que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou bien plutôt lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit hein, prenez garde à ceux-là, fahdharuhum, ça c'est une parole d'interdiction. Ça indique l'interdiction de rester avec eux ou de les fréquenter, ces gens-là. Et donc ici, la parole, hein, dans le verset précédent, le verset 7, et les autres versets aussi qu'on a mentionnés, verset 7 dans Surat Al-Imran, et les autres versets, 28 dans Surat Al-Kahf, et le verset également 140 dans Surat Al-Nisa, et 113 dans Surat Hud, tous ces versets qu'on a mentionnés depuis le début, yani, quand il dit ne vous asseyez pas avec eux, ne penchez pas vers eux, yani, et ainsi de suite, tout cela, c'est pour indiquer ce que Allah aime, ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aime. Et il aime qu'on prenne garde et qu'on fasse attention et qu'on s'écarte de ces gens-là et qu'on ne s'assoie pas avec eux. Et si il aime qu'on s'écarte d'eux et qu'on ne s'assoie pas avec eux, donc ça veut dire que c'est une adoration pour Allah, jalla wa ala. Le cheikh il dit ensuite, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقررا هذا المقصد فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره فتكون خالصة صوابا فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعل طاعة لله فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق النفس فالأول مأمور به والثاني منهي عنه. مأخوذ من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك منهاج السنة. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il confirme ce, il déclare cet objectif dans cette citation. Il dit donc que le hajr, yani al-hijratu al-shar'iyya, yani ça fait partie des actions que Allah a ordonnées, ainsi que son messager. Et donc, c'est une obéissance qui est nécessaire. Qu'elle soit pure et sincère uniquement pour Allah et qu'elle soit faite en accord avec son commandement. Donc, qu'elle soit pure et qu'elle soit en accord avec son commandement. Khalisatan sawaban. Donc, celui qui fait le hajr pour une passion qui est en lui-même, ou qui fait un hajr qui n'a pas été ordonné par Allah ou par son messager, alors il est en dehors de ce qui a été ordonné. Et il dit وَمَا أَكْثَرَ مَا تَفْعَلُ النُّفُوسِ مَا تَهْوَاهُ. Il dit comme on retrouve souvent, comme c'est souvent le cas malheureusement que des âmes fassent des choses en accord avec la passion, en pensant qu'elle fait ce que Allah a ordonné et ce qui est une obéissance pour Allah. Alors, il est nécessaire ici de bien distinguer entre le hajr qu'on fait parce que c'est pour un des droits d'Allah qu'on le fait, de distinguer donc entre le hajr qu'on fait pour un des droits d'Allah du hajr qu'on fait pour le droit de la personne ou bien pour notre âme. Parce que le premier est ordonné et le deuxième est interdit. Donc si quelqu'un il fait quelque chose parce qu'il suit sa passion et il veut faire le hajr de quelqu'un parce qu'il suit sa passion, parce qu'il veut... Il y a des gens des fois, ça peut arriver, ils vont chercher une excuse pour faire le hajr de quelqu'un et ils vont l'accuser. Soit ils vont l'accuser injustement de quelque chose, alors qu'il est innocent, et ils vont lui faire le hajr. Yani pour essayer de satisfaire leur colère, ou leur jalousie, ou leur passion, parce qu'ils ont quelque chose contre la personne. Donc ils vont essayer d'inventer des histoires contre cette personne, juste pour justifier le hajr. Donc dans ce cas-là, c'est pas fait pour Allah. Dans ce cas-là, c'est pas fait pour Allah et c'est pas correct. Parce que pour que ce soit fait pour Allah, il faut que ce soit fait avec sincérité. Il faut que ce soit, bien entendu, basé sur la vérité. Il faut que ce soit établi sur les preuves et il faut que ce soit fait selon les conditions et les exemples de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné dans la sunna. Sinon, c'est pas un hajr légitime, c'est pas un hajr légiféré. Donc, le deuxième objectif par rapport aux objectifs du hajr, c'est d'établir al-wala wal-bara. Et al-wala wal-bara, c'est un sujet qui est extrêmement important et extrêmement vaste. Et justement, le cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, il va en profondeur dans ce sujet. Donc, il dit ici, al-maqsad al-thani, tahqiq al-wala wal-bara. من المقاصد الشرعية للهجر تحقيق عقيدة الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله لأن المؤمن مأمور بذلك قال العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله في المنهاج منهاج أهل الحق وما الدين إلا الحب وما الدين إلا الحب والولاء كذلك البراء من كل غاو آثم من كل غاو وآثم إذن نصوص الوحيين كلها تدل على وجوب تطبيق هذه القاعدة العظيمة قاعدة الولاء والبراء الولاء للإيمان والمؤمنين والبراءة من الكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين والمتأمل في فهم عمل سلف الأمة الصالح يجد منهم تنصيصا على هذا الأمر المهم على هذا الأمر المهم مع تطبيق عملي له ومن أدلة هذا المقصد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Donc ici le cheikh il explique que cet objectif est un des objectifs légiférés par le dans le hajr. Un des buts pour lesquels on fait le hajr, c'est pour établir ce principe de la aqida de al-wala wal-bara, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et donc le croyant est ordonné de respecter ce principe-là. Et al-allama, un des grands savants, Sulayman bin Sahman, rahimahullah, il dit dans son livre Manhaj al-Haq, donc que la religion ce n'est que l'amour et le fait d'aimer et le fait de détester, donc ça fait partie, c'est la base de la religion, et de se désavouer de toute personne qui est déviée ou qui fait des péchés. Donc c'est clair dans les textes de la révélation du Coran et de la Sunna que cela est indiqué et que c'est une obligation de le mettre en pratique. Donc le principe de al-wala wal-bara, c'est pas quelque chose comme certains. J'ai entendu ça dernièrement, il y a quelques temps, il y avait un journaliste qui prétendait que al-wala wal-bara c'est quelque chose qui avait été inventé par Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et ça c'est un exemple de l'ignorance de ces gens-là. Puisque al-wala wal-bara ça fait partie de qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Et bien entendu, le Coran et la Sunna n'a pas été inventé par Muhammad ibn Abdul Wahhab, puisque c'est la révélation d'Allah. Donc, de prétendre ce genre de choses, c'est une preuve de l'ignorance de cette personne. Et le cheikh, il explique donc que les textes donc, de la révélation prouvent ce principe de al-wala. Al-wala, c'est-à-dire l'amour et la proximité, l'allégeance pour les gens de la foi et pour les croyants. Et le al-bara'a, le désaveu, l'éloignement, le fait de se séparer de la mécréance et des mécréants. des gens de bid'a et de ceux qui font des bid'a, de la bid'a et des gens de bid'a. Et la personne qui médite, hein, et qui comprend, ou qui médite plutôt dans la, par rapport à la compréhension et l'application des salaf al-salih, il va trouver, hein, de leur part des textes à ce sujet-là, et qu'ils appliquent ce principe-là en se référant à des textes de la révélation, hein, avec une application pratique de ce principe-là. Et parmi les preuves établies dans le Coran, dans la Sunna à ce sujet-là, le verset 57 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. On va lire la traduction. Ô les croyants, ô vous qui avez cru, n'adoptez pas pour alliés, hein, n'adoptez pas pour alliés, c'est-à-dire n'aimez pas ceux qui prennent en raillerie et en jeu votre religion, parmi ceux à qui le livre fut donné avant vous et parmi les mécréants, les koufars, et craignez Allah si vous êtes croyants. Donc ça, c'est un verset général, hein, qui explique que le croyant ne doit pas aimer les mécréants et ne pas prendre pour alliés, hein, ne pas s'allier à ceux qui se moquent ou qui prennent la religion pour un jeu. Parmi les chrétiens, les juifs et les chrétiens, et parmi les koufars en général. Donc on n'a pas le droit de les prendre pour allier ces gens-là, peu importe. Hein, même si on vit dans le même pays qu'eux, même si on a la même citoyenneté qu'eux, on n'a pas le droit de les prendre pour allier ces gens-là parce que c'est des gens qui se moquent de notre religion ou qui prennent la religion pour un jeu ou un divertissement ou ils s'en moquent. Et l'allama Shawkani qala fi Fath al-Qadir: هذا النهي عن موالاة المتخذين للدين هزوا ولعبا يعم كل من حصل منه ذلك من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع المنتسبين إلى الإسلام. والبيان بقوله: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخره، لا ينافي دخول غيرهم تحت هذا النهي إذا وجدت منه العلة المذكورة التي هي الباعثة على النهي. قلت: وسبقت معنا آية هود: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وحقق الأئمة رحمهم الله ونبهوا على تحقيق هذا الأصل في مصنفاتهم، من هذا ما قاله الإمام أبو داود في سننه في كتاب السنة: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. وبوب أيضا باب ترك السلام على أهل الأهواء. وبوب الإمام البغوي في كتابه العظيم شرح السنة باب مجانبة أهل الأهواء. وترجم الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب باب الترغيب في الحب في الله والترهيب في حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرء مع من أحب، وغيره كثير. ما شاء الله. Donc ici le cheikh Abdullah al-Bukhari cite la parole de l'imam al-Shawkani à propos de ce verset 57 dans Surat al-Ma'ida, dans son tafsir Fath al-Qadir. Il dit: cette interdiction de prendre pour allié et d'aimer les gens qui prennent la religion pour un jeu, hein, et qui prennent la religion pour une distraction ou pour un jeu, et qui se moquent de la religion, hein, de ne pas les prendre pour alliés, ça c'est général. Le cheikh, il dit, cette interdiction, elle est générale pour toute personne de qui se produit ce genre de comportement, que ce soit les mushrikins, c'est-à-dire n'importe quel mushrik qui adore autre que Allah, que ce soit des bouddhistes ou des hindous ou d'autres formes de mushrikins, ou des gens du livre parmi les juifs et les chrétiens, ou que ce soit également des gens de bid'a parmi les gens qui se y en a qui disent appartenir à l'islam. Parce que parmi les gens qui font partie des gens de bid'a, parmi ceux qui disent appartenir à l'islam, il y en a beaucoup qui justement prennent la religion pour un jeu, hein, et qui se raillent de la sunna. Et donc, ils font partie de cette interdiction, ceux qui sont mentionnés dans l'interdiction ici, parce que le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné parmi ceux qui ont reçu le livre avant vous, jusqu'à la fin du verset, et le cheikh Shawkani, il dit ici, que ça ne vient pas en contradiction, ou bien ça ne nie pas le fait qu'on puisse faire entrer dans la signification de ce verset, d'autres que ces catégories qui ont été mentionnées. C'est-à-dire, on peut faire entrer dans ce verset, autre que les mouchriquines, les juifs et les chrétiens, on peut également faire rentrer dans ce verset-là les gens de bid'a. Hein? Il dit, on peut faire rentrer autre que les gens mentionnés. C'est-à-dire, il n'y a rien qui nie qu'on puisse faire rentrer autre que ces groupes-là dans l'interdiction qui a été mentionnée dans le verset, lorsque la raison ou la cause qui a fait qu'on les mentionne, ceux-là, soit présente chez ces individus ou ces groupes et qui a été la cause justement de leur interdiction, l'interdiction de les prendre pour alliés. Donc si on trouve la raison chez d'autres groupes, hein, qui justifie qu'on n'ait pas le droit de les prendre pour alliés parce qu'ils se moquent ou parce qu'ils prennent pour un jeu la religion, alors on a le droit de les faire rentrer dans ce verset-là aussi. Et le cheikh Abdullah al-Bukhari, il dit, et je dis que on a mentionné et également on a vu dans qu'est-ce qui a précédé le verset de sourate Hud dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ne penchez pas vers ceux qui sont injustes, ceux qui font de l'injustice, sinon vous serez touchés par le feu. Ça, c'est la preuve, hein, que toute personne injuste rentre dans le verset, et bien entendu les gens de bid'a font partie des injustes, puisque ils innovent et ils inventent dans la religion d'Allah. Le cheikh il dit ensuite wa haqqaqa al-a'imma, donc les imams de l'islam, que Allah leur fasse miséricorde, ils ont également confirmé et ils ont également porté l'attention sur l'application de ce principe de Al-Wala wal-Bara et de ce fondement, hein, de Al-Wala wal-Bara dans leurs écrits et dans leurs livres. Et ils donnent plusieurs exemples. Parmi les exemples, la parole de l'imam Abu Daoud dans son Sunan. L'imam Abu Daoud dans son Sunan, dans le chapitre de la Sunna, Kitab al-Sunna, il y a un sous-chapitre qui s'intitule « Le fait de s'écarter des gens de la passion et de les détester ». Donc ça rentre dans « Al-Wala wal-Bara » et de détester les gens de la passion, c'est-à-dire les gens de bid'a. Il a également établi comme titre d'un des chapitres dans son livre aussi « Tarku salam ala ahli al-ahwa », c'est-à-dire de délaisser ou d'abandonner, de cesser de donner le salam, hein, de saluer les gens de la passion, c'est-à-dire les gens de bid'a. L'imam al-Barawi, un autre également parmi les ulama, il a un livre qui s'intitule « Sharh al-Sunnah ». Et dans ce livre, il a un chapitre qui s'intitule « Mujanabatu ahli al-ahwa », c'est-à-dire de s'écarter des gens de la passion. L'imam al-Munziri, il a écrit un livre qui s'appelle « At-Targhib wa At-Tarhib », c'est-à-dire l'incitation et comment on pourrait dire, « Tarhib », c'est le fait de faire peur, d'encourager et de faire peur, hein, c'est ça le titre. Et ici, dans un de ses chapitres, il dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il mentionne dans ce livre? Il mentionne les textes qui incitent à faire des bonnes œuvres et qui font peur des péchés et des choses de la désobéissance. Donc tous les titres des chapitres, tous les chapitres parlent de ces choses-là. Des textes qui incitent de faire des bonnes choses et qui découragent ou qui font peur de faire des choses qui sont interdites. Et ici, il cite un des exemples, c'est-à-dire un des chapitres qui s'intitule « L'incitation à aimer en Allah » et le fait de faire peur d'aimer les gens du mal et les gens de bid'ah, parce que la personne sera ressuscitée avec ceux qu'elle aime. Et il y a beaucoup d'autres également parmi les exemples qui se retrouvent dans les livres des ulama. Et ça, c'est la preuve que Al-Wala ou Al-Bara, c'est pas quelque chose qui a été inventé par Muhammad ibn Abdul Wahhab, puisque on retrouve ce principe dans les livres des imams des salafs. Hein? Ça existait bien avant. قرر هذا الأئمة في مصنفاتهم المؤلفة في اعتقاد أهل السنة المختصر منها والمطول. Donc, juste aussi en même temps, juste pour clarifier, donc ici le cheikh il dit que les imams de la sunna, les imams de l'islam, ils ont confirmé et établi ce principe-là et déclaré ce principe dans leurs écrits au sujet de la croyance de Ahl Sunnah, des gens de la Sunna, de façon résumée et dans les livres élaborés et plus détaillés aussi. Donc, qu'est-ce que je voudrais rajouter juste ici par rapport à ce point-là? C'est que le principe de Al-Wala ou Al-Bara, il existe même dans la nature humaine. Et il existe aussi même chez les kuffars. Et il existe chez les mushrikines, chez les kuffars, chez les juifs, chez les chrétiens. Il existe chez les gens de bid'ah aussi. Parce que tout le monde, en réalité, applique Al-Wala ou Al-Bara. Mais c'est seulement les gens de la sunna qui appliquent Al-Wala ou Al-Bara selon la vérité, selon le Coran et la sunna. Parce que les autres, les kuffars, les mushrikines, les mubtadi'ah, ils appliquent Al-Wala ou Al-Bara selon leur passion. C'est ça la différence. Hein? Et donc, les kuffars, ils détestent les gens qui ne sont pas kuffars comme eux et qui ne sont pas d'accord avec eux. Les communistes, les laïcs, les athées, hein, les nationalistes, ils ont tous Al-Wala ou Al-Bara. Yani, si tu regardes les juifs et les chrétiens, ils ont Al-Wala ou Al-Bara pour les chrétiens. Les juifs, ils ont Al-Wala ou Al-Bara pour les juifs. Yani, les hindous, les bouddhistes, tous les kuffars en fait. Et les gens de bid'a, tu vois, les chiites, ils ont Al-Wala ou Al-Bara, les khawarij, ils ont Al-Wala ou Al-Bara. Mais tous ces gens-là, tous ces groupes-là, ils n'appliquent pas Al-Wala ou Al-Bara selon le Coran et la Sunna. Ils appliquent Al-Wala ou Al-Bara selon leur passion. La preuve, c'est qu'ils détestent les gens de la Sunna et ils aiment les gens de la bid'a. Et les kuffars, ils aiment les mushrikines et ils détestent les gens du tawhid, les gens du tawhid et les gens de l'islam. Donc ça veut dire qu'ils détestent ce que Allah aime et ils aiment ce que Allah déteste. Et ça, c'est la preuve qu'ils n'appliquent pas Al-Wala ou Al-Bara tel que Allah l'a révélé, mais selon leur passion. Nasallallahu al-afiyah. Cheikh, il dit ensuite, « وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ الصَّابُونِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ في عقيدة السلف وأصحاب الحديث. Et juste en passant, là, je vais faire un point, encore une autre explication, c'est que les kuffars maintenant, surtout qu'est-ce qui se passe par rapport à la France en ce moment, avec la loi qu'ils ont faite pour le séparatisme et tout, là, et ben ça rentre là-dedans aussi, dans le sens que ils veulent que les musulmans appliquent Al-Wala ou Al-Bara pour la République. Et pour les principes et les idées de la République. Et ça implique également qu'ils veulent, de la part des musulmans, qu'ils cessent d'appliquer Al-Wala ou Al-Bara en se basant sur l'islam et la charia, mais qui se base plus sur l'islam, mais qui se base sur les principes de la République, hein, et de mettre l'appartenance à la République et à la citoyenneté au devant et même au-dessus de leur appartenance à l'islam et au-dessus de leur croyance en l'islam et au-dessus du Coran et de la Sunna. C'est ça ce qu'ils veulent des musulmans en France. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'un musulman ne pourra jamais mettre al-wala wal-bara, hein, basé sur autre chose que sur le Coran et sur la Sunna. C'est-à-dire qu'il doit uniquement aimer et détester selon sa croyance, selon le tawhid, selon la Sunna. Et il ne pourra jamais mettre, hein, au-dessus du Coran et de la Sunna, ou au-devant du Coran et de la Sunna, une loi quelconque qui a été inventée par des êtres humains. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est très très important de faire comprendre aux musulmans que leur wala et leur bara doivent être établis sur l'islam. Et tout ce qui contredit l'islam, ils sont obligés de le rejeter dans leur cœur et de le rejeter dans la parole aussi. Hein? Et le cheikh, il dit « Wa min dhalika ma qalahu l'imam al-Sabuni rahimahullah fi aqidat al-salaf wa ashab al-hadith wa yubghidun ahl al-bid'a alladhina ahdathu fi al-din ma laysa minhu wa la yuhibbunahum wa yubghidunahum wa la yuhibbunahum wa la yashabunahum wa la yasma'una kalamahum wa la yujalisunahum ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوسائس والخطرات الفاسدة ما جرت إلى آخر كلامه رحمه الله ومن تطبيقهم العملي لهذا المقصد ما جاء في سير أعلام النبلاء. D'accord. Donc nous on va s'arrêter ici, inshallah, pour le cours d'aujourd'hui. On va expliquer qu'est-ce que le cheikh a mentionné des paroles de l'imam As-Sabuni rahimahullah à propos de ce sujet. Donc l'imam As-Sabuni, rahimahullah, il dit dans Aqidat al-Salaf ou Ashab al-Hadith, c'est-à-dire les gens du Hadith et les Salaf, ils disent, ils détestent les gens de Bid'a, ceux qui ont inventé dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Ils ne les aiment pas, ils les détestent, ils ne les aiment pas, et ils ne les côtoient pas, ils ne les fréquentent pas, ils ne les prennent pas comme compagnons, ils n'écoutent pas leurs paroles, ils ne s'assoient pas avec eux, ils ne débattent pas avec eux dans la religion, hein, ils ne vont pas avoir des discussions avec eux sur la religion. Et ils considèrent même qu'ils doivent protéger leurs oreilles d'entendre leurs faussetés lorsque ils entendent, hein, lorsque des faussetés passent par leurs oreilles ou lorsqu'ils entendent leurs propos, parce que si elle rentre dans les oreilles et si elle reste dans le cœur, elle va faire du tort et elle va ramener des suggestions et des pensées corrompues, hein? Et ça, c'est donc un exemple de qu'est-ce que l'imam As-Sabuni a dit, et il a d'autres propos aussi, hein, à ce sujet. Et ensuite, le cheikh, il dit, on va mentionner également des exemples pratiques de ces principes-là dans les actions des salafs. Mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On donnera des exemples pratiques et on continuera la suite de l'explication dans le cours prochain, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.